Mais il est sur la terre une montagne aride qui ne porte en ses flancs ni bois, ni flots limpides, dont par l'effort des ans, l'humble sommet miné, et sous son propre poids, jour par jour incliné, dépouillé de son sol, fuyant dans les ravines, garde à peine un buis sec qui montre ses racines, et se couvre partout de rocs prêts à crouler, que sous son pied léger, le chevreau fait rouler. Ces débris, par leur chute, ont formé d'âge en âge un coteau qui décroît, et d'étage en étage, porte, à l'abri des murs dont ils sont étayés, quelques avares champs, de nos sueurs payés, quelques ceps, dont les bras, cherchant en vain l'érable, serpentent sur la terre ou rampent sur le sable, quelques buissons de ronces, où l'enfant des hameaux cueille un fruit oublié qu'il dispute aux oiseaux, où la maigre brebis, des chaumières voisines, broute, en laissant sa laine en tribut aux épines.